Bonsoir, vous écoutez Nuisance. Nuisance, l'émission qui nous sens, l'émission de toutes les nuisances. Le vendredi de 21h à 23h sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Bienvenue. Ce soir, on se présentera. Ouais, c'est clair. comment compter pour ces exercices et ce morceau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non mais... dire. Vous êtes dans le monde néandertal, à jamais, toujours la même chose, pour toujours, la même chose. La même chose, pour toujours, vous allez rester avec nous, vous allez rester avec nous pour toujours, enfermé dans votre tête. Vous avez disparu de la face de la terre, vous n'êtes rien, vous n'êtes rien. Vous avez disparu tant de fois. À jamais. Pour toujours. Vous êtes comme moi à présent, fini. Résister à la tentation du laisser-faire, aux réformismes et à l'esprit commercial des temps modernes. Anna Arendt, la politique a-t-elle encore un sens aux éditions Lern? Nuisance 92.2 FM sur Canal Sud, je veux dire plutôt Nuisance, l'émission seulement, la radio Canal Sud. Résister à la tentation du laisser-faire, au réformisme et à l'esprit commercial du temps moderne. L'aubergiste, sous le seul mot de maison, on inclut l'école, l'hospice, la prison, la taverne et la demeure. Le moindre abri ou la moindre grotte dans laquelle vivent les hommes contient des éléments de tous ces endroits. Mais nulle part sur terre ne se dresse la maison entière et parfaite. Le Parthénon, Saint-Pierre, la cathédrale gothique, le palais, la masure ne sont que les réalisations imparfaites d'une idée imparfaite. Qui voudrait y habiter? Peut-être aux yeux des dieux, la chaumière est-elle plus sacrée que le Parthénon, car il jette un regard sans complaisance particulière sur les sanctuaires qui leur sont officiellement dédiés, et qui devraient être le toit sacré abritant la majeure partie de l'humanité. Il est une évidence, c'est que les dieux s'intéressent le plus au genre humain. Veille sur la taverne, où les hommes aiment davantage se rassembler. Il me semble voir briller au loin dans tous les pays des milliers de sanctuaires consacrés à l'hospitalité, aussi bien en mettant caravansérail et auberge auquel on retourne tous les pèlerins sans distinction. De la même manière, c'est en vain que nous regardons vers l'est ou vers l'ouest à la surface de la terre pour trouver l'homme parfait. Chacun incarne seulement une excellence qui lui est propre. L'aubergiste est l'homme des sympathies ouvertes et générales qui possède l'esprit de l'hospitalité. Il nourrit et héberge les hommes par amour des créatures. Il est certain que cette profession compte aussi souvent, comme n'importe quel autre, des personnages imparfaits qui ont embrassé le métier pour des motifs indignes. Mais nous devrions d'autant plus priser le véritable et honnête aubergiste quand nous en rencontrons. Qui n'a pas imaginé pour soi-même une auberge unique, en rase de campagne, où le voyageur se sente vraiment chez lui dans son pub, lui qui était auparavant sa demeure privée, que l'aubergiste soit vraiment un hôte et un maître des lieux, qu'il se soit proclamé frère de ses semblables, un homme qui était appelé à son poste tous les vents du ciel, par son bon génie, aussi fidèlement que le prêcheur est appelé au prêche, un homme aux sympathies si universelles dans la nature humaine et si grande et authentique, qu'il sacrifierait volontiers les liens tendres mais étroits de l'amitié avec ses intimes à une vaste amitié radieuse, par tous les temps, avec ses semblables, un homme qui aime les hommes, non pas comme un philosophe avec philanthropie, mais comme un directeur de bureau de bienfaisance avec charité, par une nécessité de sa nature, comme il aime chien et chevaux. La politique, un homme qui, debout à sa porte, sans l'heure matin au soir, se réjouit en voir arriver de plus en plus, le long de leurs avis, qu'ils ne soient jamais rassasiés. Pour lui, le soleil et la lune sont des sondes biologiques, l'un de jour, l'autre de nuit. Eux aussi fréquentent sa maison, le résultat d'expérience tout à fait avec les philosophes, selon son imagination. Voyage sur son enseigne lui-même, et combien un homme serait son voisin depuis des années d'hommes, plus dans le secret de la situation de l'arbre total, dans leur condition et individu se montre dans la psychiatriste et exclusive que l'un que les autres peut nous sujet, comme le désordre également un homme pour les autres, sont plus proches en votre incisif aux gens politiques, sans que les questions nationales, les individus de soutien de fait, les déterminations des semi-aériens, de l'élément intime que nous rencontrons, accueillent au sein de sa famille. Je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la formation, je suis de la form

un dieu et tout le reste. Nous tous créons ses propres expériences, des soutiens changements, qui croient fermement dans la persévérance. Pour cela, sommes-nous enclins à penser au système particularité de sa religion. Mais il tient une auberge, il n'a pas une conscience, il engage un de charité parfumée et un de vertu sociale, sincère, en chaque jour de lui-même au public, chérit la bonne volonté de tous, et donne à celui qui passe un de l'heure de la salle. Aussi bon le ciel, je vous conseille de vous battre. Lyon, je sens qu'elle en pâtisse. Comparé à taverne, à l'église, ce sera l'église que prière et sernesse. L'intendant de la société, dans cette fonction de moi, il se montre loyal et généreux. C'est un fils qui a le sens du devoir, mais un père tyrannique. Il ne peut imaginer cette époque pour lui inconcevable. La génération montante sera sur un pied d'égalité avec celle qui l'aura précédée. Il préfère se penser comme un fils tout au long de sa vie. Il ne parvient jamais à cette maturité qui lui permettrait de concevoir que lui et ses semblables sont désormais l'humanité et qu'ils constituent la toute dernière génération. Ils sont les occupants et les propriétaires du globe. Il a toujours le sentiment que son principal devoir est de conserver la loi, l'ordre et les institutions telles qu'il les a trouvées. 6 de casse claire numéro 5. Ouais, c'était pas mal, hein. Ouais. Bon, bah, on retire tout ce qu'on a dit, hein, parce qu'on est vraiment des menteurs. Des menteurs nés, les mecs. Bon, tout ça pour rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'on peut rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est fou. Bon bah c'est bientôt la fin de Nuisance, je veux dire, hein, Nuisance, bon 92.2 FM sur Canal Sud, je veux dire, qui est au 92.2 FM, à Toulouse, France, 40 rue Alfred du Méril, et ça c'est donc 31 400 Toulouse, et pour finir, donc on vous souhaite une bonne année, meilleurs voeux, la princesse de Galles est bientôt morte, je crois, d'une septicémie, la pauvre, à force de se tanker dans les yeux, t'sais. Il y a son œil globulaire, corpuscule, quoi, qui est sorti de la face interne. Voilà, ah, la pauvre, hein. On est vraiment triste pour elle. Bon, sinon, la royauté se porte bien. On a entendu des nouvelles du prince Charles. Ouais, il paraît qu'il va bien, c'est cool. Le pape, nickel, aucun problème, vous inquiétez pas, vous aurez votre papauté cette année. Ben, je sais pas, moi, il y a une nouvelle de Diana, tu sais. Diana, c'est la bonne blague. Diana, je crois qu'elle est morte. Diana, on l'a tuée, quelqu'un l'a tuée, ouais. Avec un couteau à sanglier. C'est un vieux couteau médiéval, ouais, ils l'ont torturé avant. C'était horrible. Je sème des rumeurs, j'aime bien. On se met la terreur partout. Je suis un terroriste, en fait. Allez, bon, ben... A bientôt, ciao. Yo quiero pegarme con él.